comme un ouragan. Radio Lyon 89.5. Du mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. Bonsoir, on est le mardi 25 avril, il est 21h03 et c'est l'heure de Comme un ouragan, l'émission féministe en direct sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne et en streaming sur radiodio.org. Alors ce soir c'est un peu spécial parce que je suis tout seul dans les studios et j'en ai pas trop l'habitude. Mes camarades sont en vacances ou pas dispo, mais on avait quand même envie de faire une émission, enfin en tout cas de vous diffuser l'enregistrement d'une présentation qui a eu lieu le 1er avril à Saint-Étienne, qui était organisée par la CNT et Sud Éducation. C'était la présentation de notre camarade PD Mathias Quéré, qui a écrit un super livre qui s'appelle « Qui sème le vent récolte la tapette ». Et là, il n'était pas venu parler exactement de son livre, mais plutôt revenir sur l'histoire des liens entre les mouvements homosexuels dans les années 70 et 80 avec les mouvements d'extrême gauche, les partis politiques de gauche et d'extrême gauche et les syndicats. Voilà, du coup, on va vous diffuser que la partie présentation parce que la partie question était le son n'était pas suffisamment bon pour vous le diffuser. Voilà, du coup, ça dure environ 1h15 avec un petit peu de musique. Et je vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation, et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieure à pas mal de mecs. Mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro, qu'il n'y ait pas un Jules et une femelle accroupie, etc. Nous étions toujours confrontés avec une morale qui n'est pas faite pour nous, puisqu'elle est la morale de la famille bourgeoise hétérosexuelle dont notre existence est la preuve d'une sorte de contradiction interne. Faut pas insister trop là-dessus aussi, mais quand même, nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon. De toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Et donc, aujourd'hui, nous invitons Mathias Quéré. Donc, Mathias, qui a travaillé sur l'histoire des groupes de libération homosexuelle à la fin des années 70. Tu as étendu ton travail jusqu'au début des années 80, par la suite. Et donc, tu as travaillé sur l'histoire de ces groupes de libération homosexuelle en France, dans l'histoire contemporaine. Et du coup, pour nous, l'idée de t'inviter, parce que tu étais déjà venu à Saint-Étienne présenter ton livre, qui est très beau. Mais du coup, pour nous, ça faisait sens de te réinviter et que ça, l'invitation soit lancée par nos deux syndicats, donc Sud Éducation et la CNT 42, parce qu'il y a un moment dans ton livre où tu évoques justement les liens entre ces groupes de libération homosexuelle et les partis de gauche, d'extrême gauche et les syndicats, ou peut-être les non-liens, tu nous en diras plus. Et du coup, voilà, pour nous, ça nous faisait sens, en fait, à la fois pour essayer de penser les liens entre les luttes aujourd'hui, peut-être qu'on dirait queer ou transpédéguine, et les syndicats, en tout cas pour nous, on y est dedans, et les partis de gauche, extrême, etc. Donc pour nous, ça faisait un peu une contextualisation historique qui nous permet de repenser nos luttes, peut-être de les complexifier, d'allumer des événements et tout ça. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi d'être là, en plein mouvement social, de venir parler des liens du mouvement homo avec la gauche, l'extrême gauche, les syndicats. Donc je vais me focaliser sur la période des années 1970 et début des années 1980. Alors juste pour commencer, je vais vous faire une brève généalogie de l'histoire du mouvement homosexuel français, pour contextualiser tout ça, parce que, effectivement, l'intervention d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus thématique, donc c'est aussi une première fois pour moi de faire quelque chose d'aussi thématique. Donc, en France, on a une première organisation homophile, parce qu'elle refusait le terme d'homosexuel, qui est fondée dans l'après-guerre, en 1954, et qui a le nom d'Arcadie. Mais c'est véritablement avec le début des années 70 qu'un véritable mouvement homosexuel se met en place dans l'Hexagone. D'abord avec le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, entre 1971 et 1974, qui est probablement l'une des entités homosexuelles françaises la plus connue, mais qui est quand même principalement parisienne. Après le FAR, à partir de 1974, on va avoir l'émergence de ce qu'on appelle les groupes de libération homosexuelle, qui, eux, et c'est ça que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ma recherche, vont vraiment se développer sur l'ensemble du territoire français. Et par exemple, à la fin 1977, on va compter une trentaine de groupes partout en France, de Brest à Mulhouse, en passant par Caen, Tours et Saint-Étienne. Donc ces militants et ces militantes cherchent à mettre en place un mouvement autonome et structuré dont l'horizon politique est le Grand Soir et la Révolution socialiste. Alors, nos imaginaires contemporains ont tendance à vouloir faire de la gauche et de l'extrême gauche les alliés objectifs des mobilisations homosexuelles. Cette réalité, vous allez le voir, elle est cependant bien plus complexe et c'est ce que va explorer la première partie de cette présentation. Donc, je vais essayer d'abord de vous présenter le positionnement des organisations de gauche et d'extrême gauche vis-à-vis de l'homosexualité dans les années 70. Et ensuite, si le mouvement homosexuel français revendique une autonomie politique, nombre de ces militants et militantes sont eux et elles-mêmes issus des partis et des organisations de gauche et d'extrême gauche. Et donc dans un deuxième temps, je m'attarderai sur cette situation qui génère un double mouvement complexe pour ces militants et ces militantes entre ce qu'ils elles vont appeler de l'autorépression et des nécessités d'alliance. La situation au début des années 80, elle va un petit peu évoluer avec l'apparition d'une nouvelle coordination des groupes homosexuels et lesbiens existants, qui s'appelle le CUAR, le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui va réorienter la mobilisation gay et lesbienne dans une perspective réformiste, en demandant l'abrogation des derniers dispositifs légaux qui répriment encore l'homosexualité. Et donc ce changement de paradigme dans l'orientation du mouvement homosexuel et lesbien va faire évoluer sa relation avec des organisations partisanes et syndicales, et c'est sur quoi je m'attarderai dans une deuxième partie. Et dans un premier temps, il me paraissait intéressant de vous présenter une brève histoire de la répression de l'homosexualité en partie fondement du mouvement, pour saisir ce à quoi pouvait ressembler le quotidien des gays et des lesbiennes dans les années 70 et 80. Alors, entre 1945 et 1978, 9566 personnes ont été condamnées par la justice française pour des actes homosexuels, condamnées à de la prison, qu'elles soient fermes ou en sursis. Si ces chiffres peuvent nous paraître élevés, il apparaît cependant que la France n'est pas la plus répressive. En Allemagne de l'Ouest, ce sont 68 000 personnes qui sont condamnées entre 1949 et 1994. Ou au Royaume-Uni, c'est près de 50 000 personnes qui sont condamnées à de la prison entre 1950 et 2000. Alors évidemment, les chiffres présentés ici ne sont que la réalité, non, ne sont en réalité que la partie émergente de l'iceberg. Toutes les pressions, chantages, rafles, extorsions, contrôles d'identité et violences policières ne sont évidemment pas comptabilisées dans les chiffres de la justice. Elles ont été, pour ne pas dire qu'elles le sont toujours, le lot quotidien de nombreuses personnes homosexuelles. Les chiffres que je vais vous donner ici sont issus d'une étude passionnante faite sur l'histoire de la répression par deux chercheurs qui s'appellent Jérémy Gauthier et Régis Schlagenhaufen. Alors, à noter que si jusqu'en 1974, la majorité légale est la même pour toutes et tous, c'est-à-dire 21 ans, la majorité sexuelle est, elle, différenciée entre hétérosexuels et homosexuels. Depuis une ordonnance de Philippe Pétain en 1942, elle est de 13 puis 15 ans pour les hétéros, alors qu'elle reste fixée à 21 ans pour les homosexuels, ce qui a des conséquences immédiates dans la répression. Comme je vais m'intéresser ici aux liens entre le mouvement homo et les structures partisanes et syndicales, pour nombre desquelles jusqu'au milieu des années 70, l'homosexualité est qualifiée de dégénérescence petite bourgeoise, je vais me pencher rapidement sur les réalités sociales de la répression de l'homosexualité. Alors c'est à partir de 1953 que le compte général de la justice va prendre en compte les professions des personnes condamnées. Entre 1953 et 1978, la classe ouvrière représente 41% des condamnations. Ensuite, on retrouve les employés à 14%, les professions intermédiaires à 11%, encore les intellectuels à 6%. Les agriculteurs, avec 5% des condamnations, sont sous-représentés si on les met en relation avec leur place réelle dans la répartition des catégories socio-professionnelles de l'époque. Et donc, on peut regrouper ces différentes CSP en trois classes sociales: supérieure, moyenne et populaire. D'après cette classification, donc, 62% des personnes condamnées pour délit d'homosexualité viennent des classes populaires. 20% représentent la classe moyenne et seulement 5% proviennent des classes supérieures. Alors, quelle analyse tirer de ces chiffres ? En zone rurale, on constate un contrôle policier plus faible du fait d'un maillage répressif moindre. En ville, la répression qui touche les classes populaires est, elle, très élevée. En matière de mœurs, comme l'écrivent Gauthier et Schlagenhaufen, les illégalismes populaires ont tendance à être commis dans l'espace public, là où la bourgeoisie dispose d'espaces privés. De fait, les classes populaires sont davantage soumises au regard policier et constituent à ce titre une clientèle policière disponible. Les raisons économiques jouent également. Jusqu'à la fin des années 70, les lieux commerciaux homosexuels sont encore rares et très coûteux, ce qui participe à en exclure de nombreuses personnes. Les classes populaires fréquentent davantage les lieux publics, comme les parcs, les pissotières, appelées tasses dans le jargon homosexuel, où le contrôle policier est bien évidemment très élevé. Par exemple, lorsque Jacques Chirac est élu maire de Paris en 1977, il va mettre en place une brigade qui s'appelle la brigade des parcs et jardins, qui a entre autres pour mission de chasser et de réprimer les homosexuels qui draguent en plein air. La possession d'une voiture, qui permet de se cacher un peu plus du contrôle policier, est encore à cette époque l'apanage d'une classe privilégiée. Un autre élément important est que la justice française est une justice de classe. Ainsi, les jeunes bourgeois échappent le plus souvent aux condamnations pour des délits de faible gravité car ils sont mieux encadrés et mieux protégés par leurs familles et leurs homologues. Cette répression de l'homosexualité, elle ne passe pas seulement par la répression policière ou judiciaire. Elle est aussi le résultat d'un esprit global de la société quant à son rapport à l'autre. Trois sondages ont été faits en 1975, 1979 et 1980 qui donne quelques indications sur le rapport de l'opinion publique quant à l'homosexualité. Pour l'année 1975, 40% de la population française considère que l'homosexualité est un fléau social, comme inscrit dans la loi. 44% ne le pensent pas et 16% se déclarent sans opinion. À la question de savoir comment décrire l'homosexualité, 42% des personnes interrogées considèrent que c'est une maladie à guérir. 24% considèrent que c'est un comportement comme un autre. Et 22% soutiennent que c'est une perversion à combattre. Alors que 81% des personnes interrogées reconnaissent ne connaître aucune personne homosexuelle. La question suivante s'intéresse à la manière dont les parents réagiraient à la nouvelle de l'homosexualité de leur enfant. 3% affirment que ça ne les dérangerait pas. 16% pensent que cela me ferait de la peine, mais je le laisserai vivre comme il veut. 34% chercheraient à le faire changer. Et 38% seraient profondément choqués, feraient tout pour le changer. Les résultats pour les années 79 et 80 sont identiques ou relativement identiques à ceux de 75. Et ces sondages montrent que, invariablement, l'acceptation de l'homosexualité reste très limitée dans ces deux décennies. Alors, évoluant moi-même dans différents espaces militants, la question des alliances entre le mouvement homosexuel et les organisations composant l'échiquier politique de l'époque m'intéressait spécifiquement. Étudier les liens entre le mouvement homosexuel, la gauche et l'extrême gauche a fait surgir ce que j'ai qualifié comme étant une histoire des interactions. En parallèle d'une autonomie politique revendiquée, le mouvement homosexuel entretient des liens complexes, à l'image du mouvement féministe supposé allié objectif du mouvement homosexuel. Et donc, je vais vous présenter ici une histoire interactionnelle autour de ces liens entre le mouvement homosexuel français, la gauche et l'extrême gauche, dans les années 70 et au début des années 80. Et pour cela, je vais d'abord commencer par vous présenter un panorama général des positionnements des partis et organisations au milieu des années 70. Come on, no. Le 4 mars 1972, lors de l'enterrement du militant maoïste Pierre Auvernet, membre de la gauche prolétarienne, assassiné par un vigile de l'usine Renault, qui rassemble près de 200 000 personnes dans les rues de la capitale, un groupe qui s'appelle les Gasolines, qui regroupe des travestis et des folles au sein du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, perturbe les funérailles, jouant les pleureuses en criant « Liz Taylor, Pierre Auvernet, même combat ». Ce qui va alors attirer les foudres des militants gauchistes. Les différentes interventions politiques du phare, comme son irruption remarquée lors de la manifestation du 1er mai 1971, couplée à sa critique sévère de la gauche et de l'extrême gauche, qu'elle trouve archaïque et réactionnaire, ont participé à faire de l'homosexualité un sujet abhorré du Parti communiste à lutte ouvrière jusqu'à la seconde moitié des années 70. Alors pour autant, il n'a pas fallu attendre le phare pour que l'hostilité envers la question homosexuelle soit une réalité chez les héritiers et les héritières de Lénine. Pour discréditer l'homosexualité chez les forces de gauche, un étrange rapprochement a été fait par certains marxistes. L'homosexualité serait historiquement liée aux différents régimes fascistes. Cette idée est synthétisée dans un éditorial d'un journal qui s'appelle l'Agence TAS, le journal des groupes de libération homosexuelle, où on y lit, en mai 76, l'on prétend aussi que tout État fasciste a permis, toléré, voire favorisé, surtout dans les rouages de ces superstructures, CF, les SA allemands, un climat, une véritable existence de pratiques homosexuelles, signe de la dégénérescence de ces formes de société. Avec la libération, en France, un discours a émergé faisant de la France occuper une nation soumise et prostrée. La résistance était alors présentée comme, à l'inverse, virile, et ne pouvait donc pas encourager les pratiques homosexuelles du fait de leur association avec les valeurs ONI. Ce qui a eu pour conséquence de maintenir en vigueur la législation homophobe instituée par Pétain, qui pénalisait pour la première fois depuis 1791 certaines pratiques homosexuelles. Alors si pour certains et certaines l'homosexualité est fasciste, d'autres la considèrent avec au moins autant de mépris comme une dégénérescence petite bourgeoise. Ces mythes ont fait de l'homosexualité et de la lutte pour son acceptation un repoussoir, à gauche comme à l'extrême gauche. Et donc la relation entre le mouvement homosexuel français, les partis, va être complexe. Le contexte politique de cette séquence étudiée est aussi particulièrement important pour saisir les rapports entre les organisations partisanes et le mouvement homosexuel. Valéry Giscard d'Estaing est élu depuis 1974. L'Union de la gauche, construite en 1972, se brise avec les élections municipales de 1977. Le Parti socialiste et le Parti communiste sont soumis à une rude concurrence pour remporter sur l'échiquier politique de la gauche parlementaire. Par conséquent, ces différents partis de gauche se présentent en ordre dispersé aux élections législatives de 1978, sorte de répétition générale des élections présidentielles de 1981, mais qui vont à nouveau être remportées par la droite. Le sujet homosexuel étant une réserve de voix potentielle pour les partis, le Parti socialiste en tête, vont lentement commencer à réviser leur position. La question homosexuelle n'a autant jamais fait parler d'elle chez les groupies de Marx. Il faut dire que l'hostilité, elle était forte. Dans la rhétorique du Parti communiste, l'homosexualité est donc vraiment associée à ce vice petit bourgeois, pour reprendre la formule de Lénine en 1920. Pierre Juquin, figure dirigeante du PC, en tant que membre du bureau central et député, affirme sans sourciller, dans un article paru dans le Nouvel Observateur en 1972, que l'homosexualité et la drogue n'ont rien à voir avec le mouvement ouvrier. Autre personnalité célèbre du Parti communiste et candidat à l'élection présidentielle de 1969, Jacques Duclos, énonce, lui en bâche, que la classe ouvrière n'aime pas les PD. Ce même Duclos interpellait le phare lors d'un meeting du PC à la Mutualité en avril 1971, que le phare était venu perturber, où il avait dit « Comment vous, pédérastes, avez-vous le culot de venir nous poser des questions? Allez vous faire soigner. Les femmes françaises sont saines. Le PCF est sain, les hommes sont faits pour aimer les femmes. » Le Parti socialiste, lui, publie de son côté en 1976 un manifeste du nom de Liberté, Liberté, qui donne les orientations politiques pour le parti réunifié depuis le congrès d'Épinay en 1971. Une partie de ce texte s'intitule « Le droit au corps » et affirme que, et je le cite, « L'homosexualité est un comportement sexuel comme les autres. Elle est une des expressions de la liberté fondamentale du corps. L'homosexualité ne doit entraîner sous aucune forme une inégalité ou une discrimination quelconque. Pour ce faire, le PS veut donc supprimer certains articles de loi qui punissent certaines formes de relations homosexuelles. Alors probablement pour ne pas paraître trop passéiste, le Parti communiste, lui aussi, va faire évoluer ses positions et va soutenir la demande d'abrogation de l'amendement Mirguet, adopté en 1960, qui fait de l'homosexualité un fléau social, à l'image de la tuberculose ou de l'alcoolisme. Il va même installer en 1976 une commission d'études sur l'homosexualité qui est dirigée par Juquin, celui-là même qui s'était illustré dans le Nouvel Observateur. Pour certains et certaines militantes, ce ne sont donc en réalité que des faux-semblants et un retournement de veste grotesque. Un article dans le journal Libération, paru en juillet 1977, est pour le moins prudent. On y lit « Prenons acte de ce jugement, même si la position exprimée par Juquin s'accompagne de nombreuses nuances. » Alors, du côté des organisations révolutionnaires, le rapport de force n'est pas tout à fait le même. Un militant du nom de Jean Lebitou, militant d'un GLH, donc d'un groupe de libération homosexuelle à Paris, qui s'appelle Politique et Quotidien, qui se situe à l'extrême gauche, note que les femmes ont, les premières, essuyé les plâtres du moralisme et du phallocratisme des militants et des structures, réussissant à faire poser quelques questions sur la vie quotidienne et la crise du militantisme. Alors les militants et les militantes homosexuelles ont réussi à publier un certain nombre d'articles, de textes dans des journaux d'extrême gauche. Ainsi, le GLH Politique et Quotidien, à Paris, va publier des articles dans Le Point Noir, Le Front Libertaire, Crosse en l'air, Rouge, le journal de la LCR, ou Tribune Socialiste, le journal du PSU. Pour un autre militant qui s'appelle Jean-Nicolas, le dialogue avec l'extrême gauche et le mouvement homosexuel est possible parce que celle-ci est, et je le cite, « la plus réceptive, qu'elle est moins stricte et moins bureaucratique que l'ensemble du mouvement ouvrier ». Qu'elle peut se poser aussi ce type de questions et remettre en question la normalité du comportement. Un autre militant du nom de Jacques Girard, qui fut l'un des premiers à écrire un ouvrage sur le mouvement homosexuel en 1981, décèle des liens proches entre ce qu'il appelle l'idéologisme du mouvement homosexuel et les courants trotskistes. Parce qu'il dit que les GLH, au milieu des années 70, à l'image de ce courant d'extrême gauche, ont l'habitude de se saisir des problèmes qu'ils rencontrent par l'instrument de la théorie marxiste, comme si ces dernières avaient réponse à tout. Les positions de la LCR sont parmi les plus progressistes. Elle reconnaît qu'il existe une oppression spécifique des personnes homosexuelles et qu'aux côtés du mouvement des femmes, il doit advenir une convergence des luttes contre ce qu'elle nomme la norme sexuelle bourgeoise et contre la norme phallocratique. D'après la Ligue, deux tâches incombent aux militants homosexuels révolutionnaires. Un travail d'éducation, tout d'abord, en direction du mouvement ouvrier, et ensuite une tâche d'explication, c'est-à-dire de propagande envers les homosexuels qui ont commencé à s'organiser. Et en 1977, cette LCR, elle va mettre en place une commission nationale homosexuelle en son sein, qui doit faire exister les questions homosexuelles dans le parti et faire le lien avec le mouvement. L'hostilité initiale des partis et des organisations vis-à-vis de gauche et d'extrême gauche vis-à-vis de l'homosexualité génère chez les militants homosexuels des attitudes particulières sur lesquelles il est intéressant de se pencher. Parce qu'en réalité, une grande partie des militants et des militantes des GLH, leur expérience politique, leur engagement politique a souvent commencé au début des années 70 avec un militantisme dans un parti ou dans une organisation de gauche ou d'extrême gauche. Mais les témoignages de ces expériences ne sont pas souvent heureux. Certains, certaines se sont fait expulser de leur organisation, quand d'autres ont tout simplement étouffé dans les carcans imposés par les structures partisanes. L'activisme forcené, la coupure entre la vie militante et les problèmes personnels, les discours abstraits sans aucune prise sur le quotidien ont fatigué nombreux d'entre eux et elles. Le témoignage d'un certain Jacques Prince est particulièrement éloquent à ce sujet. Il écrit en 1976 « Notre tâche n'est pas facile, car je ne connais pas de parti politique auquel je puisse adhérer sans restriction. pour me joindre au combat politique qui me conduira vers une société où chacun pourra choisir de vivre comme il lui plaît, sans avoir à craindre la répression. L'activisme dans un groupe homosexuel représente donc pour certains et certaines la possibilité de renouer avec le militantisme et l'intervention politique. Et pour d'autres, qui n'avaient jamais imaginé militer au sein d'un groupe politique partisan, sont désormais en mesure de le faire, du fait d'une logique militante qui est différente et spécifique dans ces groupes de libération homosexuelle. Alors certains et certaines, cependant, ont fait le choix de continuer de militer au sein d'un parti ou d'une organisation syndicale. Au sein du GLH politique et quotidien à Paris, par exemple, on trouve des militants du PS, du PC, du PCU, de la LCR, du groupe Révolution, des maoïstes et d'autres militants anarchistes et spontanéistes. Une grande partie d'entre eux et elles vivent ce que les militants conceptualisent alors comme de l'autorépression, que l'on pourrait traduire bancalement peut-être par le concept d'homophobie intériorisée aujourd'hui. Les schémas de l'action politique classique pensés par l'extrême gauche ont engendré une culpabilité identitaire chez les homosexuels. Leur lutte ne serait pas prioritaire. Des discours qu'on entend toujours aujourd'hui. L'autorépression est ainsi difficile à combattre pour rendre la lutte en faveur de l'homosexualité légitime. Se convaincre de ne pas être le symbole de la dégénérescence bourgeoise est un processus complexe pour les militants et militantes issus des sérailles trotskistes et maoïstes. De plus, l'ascétisme révolutionnaire prôné par tant de groupes et de structures partisanes de l'époque rend difficile l'exercice d'une nouvelle façon de faire de la politique. Plusieurs courriers adressés à différents dirigeants politiques et syndicaux par des militants de base l'attestent. Une lettre rédigée le 19 octobre 1978 à destination de Georges Marchais, dirigeant du Parti communiste français, et Georges Segui, dirigeant de la CGT, est un bon exemple de l'autorépression que subissent les militants et les militantes politiques et des injonctions contradictoires liées à leur homosexualité. L'auteur de la lettre, un certain Maurice Cagnier, s'adresse à ses dirigeants en les appelant camarades, ce qui souligne une forme encore vive de respect et de fraternité. Il se présente en tant que membre de l'Union départementale du Rhône de la CGT et secrétaire du secteur enseignement et formation professionnelle, en plus d'être membre du PCF. Mais l'important se trouve ailleurs. Il écrit « Oui, je suis tout cela, mais je suis aussi un PD, un homosexuel, bref, un individu hors de la normale. » La question que pose alors Cagnier est très simple. Peut-on être cégétiste, communiste, en plus d'être PD ? Il dit aussi se faire le porte-parole d'autres militants dont il retranscrit les phrases entendues. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester au PC, à la CGT, car la morale marxiste est oppressive. Ou bien, je ne prends pas de responsabilité car s'il savait, ou encore, lorsqu'on le saura, à l'UD, on t'éjectera. Cagnier s'étonne d'être davantage défendu par d'autres organisations, comme la LCR, alors qu'elle incarne tout ce qu'il rejette. Il écrit « Vais-je devoir soutenir cette organisation politique alors qu'elle attaque mon parti, mon syndicat ?» Le désarroi est profond et résonne comme une souffrance. Le paradoxe pour Maurice est douloureux. Il s'agit de choisir entre un parti et un syndicat auquel politiquement il adhère pleinement, mais qui méprise son homosexualité, et des organisations et journaux qui parle de ce qu'il est, PD, sans pour autant rejoindre ses positions politiques. Malgré les déclarations d'intention du PC et de la CGT en faveur de l'homosexualité, la place des militants et des militantes homosexuelles est encore incertaine en leur sein, et beaucoup maintiennent leur identité secrète. Et pourtant, des militants et des militantes vont rendre visible cette réalité et les contradictions qu'elle engendre en distribuant un tract lors de la manifestation du 1er mai 1976 à Paris. Ce tract s'adresse à leurs camarades syndiqués hétérosexuels et s'apparente à un coming out. On y lit « Camarades, vous nous connaissez en tant que militants syndicaux ou camarades de travail. Nous sommes aussi homosexuels. Et oui, les homosexuels ne peuvent pas être réduits aux clowns télévisés comme les perfides et autres chazos. » La distribution de ce tract est un acte de libération qui rompt avec l'autorépression et le silence dans lequel les militants et les militantes se sont enfermés. Il n'est plus question d'être déchiré entre plusieurs identités qui ne sont en rien antagonistes. Le tract indique ainsi « Le combat que nous menons ensemble dans le syndicat est le même que nous menons dans les GLH. » Mais les GLH est le seul espace où ils et elles peuvent conjuguer ces deux identités. Ils et elles souhaitent que le mouvement social et syndical cesse d'omettre la question homosexuelle qui la relègue dans la sphère du privé. Le tract se conclut ainsi « Toute lutte pour le socialisme qui ne prendrait pas en compte la libération des femmes et des homosexuels ne serait qu'une parodie. » Dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation. Qu'on se démène ou qu'on reste quoi, tout le monde nous montre du doigt. On ne fait pourtant de tort à personne si on est un gars et qu'on aime un homme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on mette ailleurs que notre queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. Couplet des filles, paraît que nous faisons pitié parce qu'en entre lits douillés, nous n'acceptons pas selon l'us de loger chez nous un phallus. Nous nous moquons bien cependant des hommes quand nous sommes deux à croquer la pomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on fasse fi de leur belle queue. Tout le monde se rue sur nous, mais notre patience est à bout. Qu'on aime une fille ou un gars, cela ne vous regarde pas. Il faudra vous faire une raison de la chose. Nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution. Les militants et militantes mobilisent aussi l'histoire. Le Parti communiste allemand soutenait jusqu'en 1933 les revendications du mouvement homosexuel allemand, alors dirigé par Magnus Hirschfeld. Et en URSS, l'homosexualité était décriminalisée jusqu'en 1934 et les purges staliniennes. Et donc c'est dans la double perspective de se faire accepter par les groupes de gauche et d'extrême-gauche et de faire avancer leur propre agenda que les militants et militantes vont progressivement entamer la construction d'un dialogue avec ces différentes forces politiques. Jean Lebitou, donc ce militant du GLH politique quotidien à Paris, va même jusqu'à dire que la gauche, comme l'extrême gauche, sont les cibles prioritaires du GLH. Et je le cite, « autant au sujet de l'oppression des homosexuels que de l'oppression de la sexualité en général ». Plusieurs initiatives vont aller dans ce sens. Et donc là, les GLH vont sur l'ensemble du territoire aller sur les stands des différentes fêtes politiques, des différentes organisations politiques pour entamer un dialogue avec les militants et militantes de gauche et d'extrême gauche. Alors si l'autorépression est une réalité pour ces militantes, la culpabilité identitaire ne recouvre qu'une partie des relations entretenues avec l'extrême gauche, car dans le même temps la colère est forte. Un double mouvement allie donc autorépression et critique sévère. Donc je l'ai déjà évoqué, bien des militants et des militantes des GLH avaient été auparavant membres d'organisations politiques classiques, qu'ils et elles ont désertées. Si la recherche d'alliance est un but important pour les GLH, le ras-le-bol et l'exaspération contre les militants hétéros trouvent une bonne place dans les publications des groupes et les comportements oppressifs sont mis en lumière. Ainsi, après la publication d'un article dans Rouge, le journal de la LCR, qui s'en prend à la candidature du GLH d'Aix-en-Provence aux élections municipales de 1977, lui reprochant d'être une diversion par rapport à la lutte des classes et lui intimant d'introduire une ligne de classe dans l'homosexualité, le GLH politique et quotidien demande un droit de réponse qui ne sera jamais publié. Pourtant, les mots étaient tranchants. On y lisait « Le club bourgeois homosexuel Arcadie a fait plus pour les homos que vos baratins de solidarité dont on cherche partout la pratique ». et de conclure, vos poussiéreux arguments culpabilisateurs nous donnent des boutons. On en a marre de se faire sodomiser par votre ligne de classe. On n'y peut rien si vous ne voulez rien comprendre. Cette colère va aussi laisser place à de la lassitude. Dans le bulletin de l'agence TAS, donc le bulletin du mouvement homo dans les années 70, un certain Yves répond à une tribune parue dans Libération qui s'attaque à la libération sexuelle. Il conspue l'incapacité de l'extrême gauche à se remettre en question et son aveuglement sur la domination hétéropatriarcale qu'elle véhicule. Il écrit « Les gauchistes ne s'aperçoivent pas qu'ils ne sont pas plus révolutionnaires que cette gauche bourgeoise, en ce sens qu'ils reproduisent à l'extrême gauche les schémas de la droite. Mâle phallocrate, mépris et haine du plaisir, sens de la discipline et du devoir, culte des héros, soumission aux chefs et aux maîtres à penser, docilité des jeunes à l'égard des aînés, etc. » Comme si cette extrême gauche était passée à côté de tous les cris de colère et de toutes les revendications portées par les militants et militantes des différents mouvements, des sujets minoritaires. Alors la situation, elle va progressivement évoluer à la fin de la décennie des années 70. Le mouvement homosexuel français, va progressivement réorienter son action politique dans une dimension revendicative. Alors comment expliquer et interpréter cette évolution? Donc le mouvement, en fait, il va être confronté à une double contradiction. D'un côté, alors qu'il existe une mobilisation homosexuelle en France depuis le début de la décennie, les militants et militantes font état d'un retour de la censure, conséquence de la fin du libéralisme giscardien. Et ils vont même constater, alors en réalité à tort, un retour de la répression et la multiplication des affaires en justice par le biais de ce qu'ils vont appeler les interdictions professionnelles. De l'autre, les militants vont théoriser qu'ils et elles se sont coupés de ce qu'ils appellent les masses militantes. Les masses homosexuelles, en négligeant les aspirations de ces derniers et dernières. Et c'est pourquoi le mouvement va réorienter sa mobilisation dans une direction réformiste et revendicative. Dans cette perspective, lors de la première université d'été homosexuelle en 1979, les militants et militantes vont mettre en place une nouvelle organisation, le CUAR, le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, dont l'objectif est de lutter pour l'abrogation de la législation homophobe. Et donc, alors que les GLH s'inscrivaient plutôt à une échelle locale, l'action du QR, elle va être nationale et va profiter du calendrier politique pour chercher à se faire entendre. C'est pourquoi, dès l'automne 80, le QR décide de prendre part à la campagne pour l'élection présidentielle de 1981, ce qui va mettre à nouveau le mouvement en prise avec les organisations partisanes et syndicales et nous permettre de faire un nouvel état des lieux au début de cette décennie. Donc, dans cette perspective des élections, et afin d'interpeller les candidats et candidates des différents partis sur leur position quant à l'homosexualité, le QR va rédiger une lettre ouverte qui récapitule ses revendications et promet de publier les réponses dans les colonnes de son journal, qui s'appelle « Homophonie ». Cette initiative permet d'avoir un instantané du positionnement des différentes forces partisanes et de leur rapport avec le mouvement homo. Il y a d'abord celles et ceux qui n'ont pas pris le temps de répondre aux sollicitations du comité d'urgence. Alors sans surprise, il s'agit avant tout de la droite. Mais on y trouve aussi Arlette Laguiller, candidate de lutte ouvrière. Parmi ceux qui ont répondu, on trouve un certain Michel Crépeau, président du mouvement des radicaux de gauche, qui s'engage à abroger, et je le cite, « tous les textes discriminatoires à l'égard des homosexuels et que les atteintes qu'ils subissent soient assimilées au racisme. » Pierre Juquin, du Parti communiste, avance sans sourciller que son parti respecte les libertés individuelles et les droits de l'homme et je le cite, que les parlementaires communistes ont soutenu en chaque occasion les revendications homosexuelles. De son côté, Alain Krivine, candidat pour la LCR, assure un soutien total aux luttes homosexuelles. Et Pierre Bérégovoy, qui prend la plume au nom de François Mitterrand, affirme que l'homosexualité ne doit entraîner sous aucune forme ni inégalité, ni discrimination. Et des mesures concrètes doivent être mises en œuvre sur tous les points que vous soulevez à juste titre dans votre questionnaire. Le PSU, le Parti Socialiste Unifié, défend les positions les plus progressistes de l'ensemble du spectre politique. En plus de reprendre à son compte les revendications présentées par le QR, le parti Duguette-Bouchardot exige aussi la fin de tout traitement, notamment chimiothérapique, pour guérir l'homosexualité. Le PSU propose aussi la reconnaissance des couples de même sexe dans le concubinage, le droit à l'adoption pour les gays et les lesbiennes, seuls ou en couple, ainsi que la reconnaissance du changement de sexe dans les cas évidents de transsexualité. Le parti est donc sans aucun doute en avance sur son temps. Pour peser dans la campagne présidentielle, le mouvement organise une marche à Paris, le 4 avril 1981, qui rassemble près de 10 000 personnes dans les rues de la capitale. Comme le raconte l'équipe de rédaction d'Homophonie, le journal du QR, personne, même parmi les plus optimistes d'entre nous, n'avait osé l'espérer. Nous étions 12 000, peut-être 15 000, femmes et hommes, venus de toute la France et de l'étranger pour manifester en cette période préélectorale notre volonté de lutter pour nos droits et libertés. Jamais une manifestation en Europe n'avait rassemblé autant d'homosexuels, de lesbiennes et leurs soutiens, venus des quatre coins de l'Hexagone pour vivre ce moment historique. Soutenu par une myriade de partis et d'organisations du mouvement social, où je peux vous donner quelques exemples. Les Amis de la Terre, la CFDT, la LCR, la LDH, le MLF, le Planning Familial, le PC, le PS, le PCU, etc. Avec la victoire socialiste, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le mouvement homosexuel français. Il devient alors un interlocuteur légitime du pouvoir et ses rapports avec les forces partisanes et syndicales s'institutionnalisent. Et pour terminer cette présentation, je vais m'attarder sur les liens entre le mouvement et le syndicalisme au début des années 80. Alors de fait, de par les archives que moi j'ai pu consulter dans mes recherches, c'est principalement les liens avec la CGT et la CFDT que je vais pouvoir développer ici. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'histoire de la relation du mouvement homosexuel avec le monde syndical est tout sauf un long fleuve tranquille. Dans les imaginaires de nombreux militants et militantes, cette histoire débute lors de la manifestation du 1er mai 1971 à Paris, où on assiste à la confrontation du FAR, donc le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, et du service d'ordre de la CGT, ce dernier cherchant à empêcher les militants homos de former un cortège. 10 ans plus tard, la situation a évolué, et les centrales syndicales soutiennent finalement les revendications du mouvement, même si parfois seulement du bout des lèvres. Alors dès février 1980, 6 mois après sa fondation, le QR envoie des courriers aux différentes organisations syndicales pour leur demander une rencontre et exposer ses revendications et entreprendre un travail en commun. Certains syndicats, comme la Fédération de l'Éducation nationale, la FEN ou le SGEN, répondent positivement, tandis que d'autres, à l'image de la CGC, la Confédération générale des cadres, déclinent la proposition, arguant que la demande du QR est, je cite, trop éloignée de l'action syndicale, qui demeure la vocation de la Confédération générale des cadres. Lors de la campagne pour les élections présidentielles de 1981, la CGT et la CFDT prennent toutes les deux positions en faveur des revendications du QR. Gérard Gomet, secrétaire confédéral de la centrale communiste, considère alors que, et je le cite, « la liberté sexuelle et affective est une liberté individuelle fondamentale. Elle doit être respectée et défendue comme toute autre. Elle ne saurait être l'objet de discrimination. La CGT tient à faire savoir que tous ces cas de répression des homosexuels dans le travail seront défendus comme des atteintes à la dignité de l'individu. » La CFDT se montre dans un premier temps plus timorée. Elle avait en juillet 1979, pour le congrès de l'organisation homophile Arcadie, fait paraître une circulaire dans l'organe de presse Nouvelle CFDT, qui exposait les positions ambivalentes du syndicat. On pouvait y lire « La CFDT, en tant que syndicat, n'a pas à prendre position pour ou contre l'homophilie. Elle a à lutter contre les inégalités, les discriminations, les atteintes aux libertés des travailleurs et travailleuses, quelles que soient les nationalités, le sexe l'origine. Alors on remarquera que le texte est tout dans la retenue et la pudeur. Il n'est jamais fait allusion à la sexualité. Et le seul terme employé pour parler des gays et des lesbiennes est celui d'homophile. Comme si, encore une fois, il ne fallait pas effrayer les masses laborieuses et ne pas faire trop de bruit avec un vocabulaire agressif. La méconnaissance des réalités homosexuelles est par ailleurs flagrante quand le constat est fait, et je le cite, des discriminations qui atteignent les homophiles à raison de leur choix, sans imaginer un instant que l'orientation sexuelle puisse ne pas être un choix. De plus, l'imaginaire faisant de l'homosexuel un prédateur n'a pas totalement disparu des esprits sédétistes lorsque l'organisation, probablement par prudence, achève sa circulaire en stipulant que la liberté sexuelle, comme le prosélytisme en sa faveur, ne peuvent s'exercer dans n'importe quelle condition. Il suppose, par exemple, que ceux à qui il s'adresse soient suffisamment informés et responsables pour pouvoir exercer leur propre liberté. Et donc ce sont vraiment les militants et les militantes gays et lesbiennes syndiquées au sein de cette même confédération qui vont faire bouger les lignes du syndicat. De la main gauche, celle qui n'a jamais parlé, elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je t'écris de la main gauche, c'est Lors de la marche du 4 avril 1981 dans les rues de la capitale, les deux centrales syndicales adressent des communiqués de soutien aux QR et à l'ensemble du mouvement. Ces messages de solidarité dépassent d'ailleurs cette fois le simple cadre du travail. La CGT déclare ainsi que la liberté sexuelle et affective est un droit fondamental inaliénable de tout individu, du droit à disposer de soi-même qui ne saurait être l'objet de mesures discriminatoires. La Confédération générale du travail revendique la suppression de toutes les mesures discriminatoires contre la discrimination dans le travail et pour l'arrêt de la prise en compte de l'homosexualité comme une maladie mentale. De son côté, la CFDT communique, elle, qu'elle entend contribuer avec ses moyens d'organisation syndicale au respect du droit à la différence et à la fin des discriminations que subissent les homophiles. Malgré ces belles déclarations de principe, la réalité des relations entre ces centrales syndicales, leurs membres et le mouvement n'est pas toujours aussi simple. Le 4 décembre 1980, le QR rencontre M. Lézir Augrel, secrétaire national de la CFDT, au nom du bureau confédéral de l'organisation syndicale. Le comité d'urgence tire alors un bilan particulièrement mitigé de cette réunion, du fait d'une certaine prudence de la part du syndicat. De nombreux et nombreuses militantes du QR s'étaient étonnés que la CFDT n'appelle pas à participer à une manifestation organisée par le mouvement contre la répression en octobre 1980. Lézir Augrel tente de se justifier en expliquant que l'appareil CFDT reste très réticent sur la question homosexuelle, ce qui incite la Confédération à la prudence, cette dernière ne voulant pas jouer les avant-gardes et brusquer ses militants. Ces justifications, construites sur les supposées réticences de la base, paraissent étonnantes pour les militants et les militantes du QR. En effet, ils et elles répondent avoir développé des contacts avec des unions départementales et locales du syndicat, qui, pour certains, ont même participé à des mobilisations contre la répression. La rencontre se termine alors par le constat pour la CFDT qu'il n'y a pas d'incompatibilité a priori entre les revendications du QR et les positions cédétistes. Et le comité d'urgence invite alors ses membres à continuer d'interpeller les militants et les sections du syndicat pour que le débat progresse dans la CFDT. De son côté, et malgré les beaux discours, la CGT n'arrive que difficilement à dépasser son mépris originel pour le mouvement homosexuel. Pour la manifestation du 1er mai 1983, le QR national appelle les gays et les lesbiennes à rejoindre les différents cortèges syndicaux unitaires devant défiler dans de nombreuses villes de l'Hexagone. Dans la capitale, ce n'est qu'après de longues négociations que le QR peut finalement se joindre, mais en fin de cortège et de façon divisée à la manifestation. L'attitude de certains et de certaines militantes syndicalistes est véhémente contre les militants gays et lesbiennes, et les railleries fusent tout au long de la marche. Les retraités de la CGT du Livre et de la CGT 94, postés juste derrière, redoutent d'être pris en photo avec la banderole du QR et obligent ce dernier à maintenir une grande distance entre les cortèges. V'là les travailleurs du 16e, moque plus loin un cégétiste, tandis qu'un autre s'enquiert. Pourquoi demandez-vous qu'on vous approuve ? Ce qui fait dire à Marc Roy, un journaliste dans le journal Le Guépier, il écrit « Depuis le 10 mai 1981, le PCF et la CGT ont refait leur maquillage et mis leurs mains de fer homophobes dans un gant de velours. » En 1984, sort un ouvrage intitulé « Le rapport gay », une enquête sur les modes de vie homosexuels réalisée auprès de 1600 personnes proches du mouvement par des militants du QR. L'enquête consacre quelques pages de son étude à la vie syndicale chez les militants et militantes. Pour les auteurs du rapport, c'est une véritable surprise. L'engagement syndical chez les gays et les lesbiennes est faible, en dépit, et je les cite, d'un monde gay très à gauche, très politisé. 27% des lesbiennes et 23% des homosexuels sont adhérents à un syndicat. En comparaison, le taux de syndiqués pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses au début des années 80 tourne autour de 20%. Et dans une perspective comparatiste, d'après les quelques 1600 personnes, les 1600 réponses obtenues par l'enquête, il apparaît que 39% des garçons font partie d'un groupe gay et 34% des femmes font partie d'un groupe de lesbiennes. Et donc, pour expliquer cet écart, les auteurs de l'enquête notent que la socialisation des gays et des lesbiennes est, je les cite, principalement interne au monde gay et polarisée le plus souvent par la recherche d'un partenaire. Alors il semble effectivement plus simple d'imaginer rencontrer un amant ou une amante en militant au QR qu'en se syndiquant à Force ouvrière. Cette forme de rétribution militante étant une réalité dans les raisons de l'engagement, que l'on soit homo ou hétéro d'ailleurs, il faut la prendre en compte. Les recherches aussi avancent aussi l'hypothèse que, et je les cite, les gays et les lesbiennes, au lieu de rechercher une forme d'organisation qui relève de la défense des intérêts catégoriels, ils préfèrent se tourner vers la loi que font les politiques, loi qui peut les réprimer ou les protéger. Et en ce qui concerne la répartition dans les différents syndicats, c'est la CFDT qui tire son épingle du jeu et recueille la majeure partie des adhésions. 9,5% des militants et militantes du QR en font partie, 13,5% des lesbiennes. Pour la CGT, ces chiffres tombent à 1,9% pour les lesbiennes et 3,6% chez les gays. En plus d'une sphère syndicale, des organisations homosexuelles liées à un domaine professionnel spécifique vont aussi voir le jour au début de cette décennie. Une des raisons qui explique l'apparition de tels groupes relève de la difficulté à se dire gay ou lesbienne dans le cadre de son travail. Ainsi, parmi les ouvriers spécialisés et manœuvres qui ont répondu à l'enquête du rapport gay, 54% d'entre eux disent qu'aucun de leurs collègues n'est au courant de leur homosexualité, quand ce chiffre tombe à 9% chez les artistes, par exemple. Les deux principales organisations qui se forment sont issues du service public, ce qui n'est probablement pas un hasard. Il s'agit d'assistance gay, qui rassemble les travailleurs et les travailleuses sociaux, gays et lesbiennes, et les gays PTT. Les deux groupes sont fondés en 1982 et vont adhérer au QR. Vincent Tardieu, un journaliste du Guépier, va en faire une bonne description. Il va dire: ni organisation syndicale concurrente qui partirait de la seule sexualité des adhérents pour expliquer l'ensemble des problèmes sociaux de l'entreprise, ni association antisyndicale, comme en témoignent les démarches auprès de la CFDT et de la CGT, ainsi que le nombre de syndiqués en leur sein, ces groupes homosexuels d'entreprise agissent de façon transversale par rapport aux organisations syndicales et politiques. Alors pour conclure cette présentation, je voulais vous présenter un élément, peut-être à rebours des histoires que je vous ai présentées jusqu'à présent, qui fait son apparition au début des années, qui fait son apparition dans la mobilisation homosexuelle au début des années 80, qui est le développement d'un discours revendiquant une homosexualité de droite. Donc, à l'image d'une société où le conservatisme et la rigueur morale retrouvent les couleurs à partir de 1983, un nouveau visage de l'homosexualité apparaît, l'homosexuel de droite. Là où, quelques années auparavant, la question identitaire se cristallisait autour d'une opposition entre une homosexualité révolutionnaire et une autre qualifiée comme réformiste par les premiers, cette nouvelle réalité fait écho aux profondes mutations de l'époque. Dans l'un de ses numéros de l'été 1983, le journal Le Guépier Hebdo diffuse un questionnaire à ses lecteurs et ses lectrices. Sur 1100 réponses obtenues, si près de 45% des répondants et des répondantes se déclarent de gauche ou d'extrême gauche, 24% sont résolument dans l'opposition en se déclarant de droite ou d'extrême droite. Les élections municipales de 1983 ont aussi vu s'opérer un net glissement vers la droite dans le vote des gays, principalement chez les plus de 45 ans et chez les moins de 24 ans. Ainsi, 42% des plus de 45 ans ont voté à droite, alors qu'il n'était que 31% à le faire pour l'élection présidentielle de 81. Quand ils étaient 23% chez les 18-24 ans, alors que les 25-44 ans, eux, ne le sont qu'à 19%. Roland Surzur, qui est un militant, parle alors d'un effritement du vote gay à gauche. Mais peut-on véritablement parler d'une homosexualité de gauche ou de droite? Historiquement, il existait la croyance, dans les années 50 et 60, que l'homosexualité est un comportement assimilé au conservatisme. Il est probable que la croyance marxiste qui faisait l'homosexualité un vice petit bourgeois ne soit pas étrangère à cette construction et cette représentation. D'après le rapport Gay que j'ai cité à plusieurs reprises, Arcady, donc cette organisation homophile dans les années 50 et 60, y est aussi peut-être pour quelque chose. Mais surtout, l'atomisation du milieu homo, la volonté de respectabilité des homos, les faisait sans doute se reconnaître majoritairement dans les partis de droite plus individualistes. Mais où de toute façon, il fallait se taire sur son orientation sexuelle. Puis sont arrivées les années 70 et jusqu'aux années 1980, et jusqu'aux élections de 1981, il a prévalu une nette poussée de la gauche et de l'extrême gauche dans l'électorat homosexuel. L'homosexualité étant de fait présente dans toutes les couches sociales, dans tous les milieux, celle-ci n'est donc pas corrélée à un chromosome de gauche. Et il était donc relativement logique de voir des gays et des lesbiennes présents et présentes sur l'ensemble de l'échiquier politique. Ce qui est cependant nouveau dans cette moitié des années 80, c'est que pour la première fois, l'homosexualité de droite va s'organiser. Et c'est une organisation qui s'appelle le Mouvement des Gays Libéraux, le MGL, qui est fondée en janvier 1984 à Paris. Et l'une des premières raisons qui explique l'émergence d'un groupe gay de droite et sa dénonciation de l'alliance subjective de l'homosexualité avec la gauche est le refus de ses membres, et je les cite, d'être annexés sans cesse au grand peuple de gauche. Dans leur présentation, ils et elles reconnaissent que la droite ne leur a jamais fait de promesses, qu'elle n'a jamais répondu aux questions qui lui étaient posées et que la crainte de son moralisme et de son esprit familiariste est fondée. Et c'est dans cette perspective qu'il et elle concluent, et je les cite encore, que « nous, gays libéraux, de droite à droite, nous voulons leur parler, les interpeller, les questionner, les déranger. » Cette approche, sans surprise, n'est guère couronnée de réussite. Ces affrontements politiques et idéologiques autour de l'identité homosexuelle et les mobilisations qui l'accompagnent vont se poursuivre jusqu'en 1986. Une année qui voit un basculement fort dans le mouvement homosexuel. En effet, l'épidémie du sida, qui s'est déclarée en 1981, prend un tournant dramatique en cette moitié de décennie, et les militants et les militantes n'ont d'autre choix, pour beaucoup d'entre eux, que de se confronter à la maladie et à la mort. Run away, turn away.